Germaine n'a plus de dents. Par contre, elle a 15 enfants. Quel bonheur d'être maman quand on a juste 30 ans. Elle a les seins ballottants et qui se trimballe autant que les couilles étirées du curé de Camaret. Quant au ventre de Germaine, troué comme un champ de mine, ça se passe comme à l'usine, c'est du travail à la chaîne. Faut dire que Germaine, elle est simplette, elle sait même pas comment qu'elle fait. Faut dire que Gillot, il est poivreau et qu'il a même pas la télé pour voir Royer lui expliquer comment qu'il faut se retirer sans danger. Pour les jeunes filles, les enfants de Germaine, ils bavent un peu comme ça, mais ça dépend des jours, des fois ils bavent pas. Ils ont l'œil dynamique, le nez en tire-bouchon, la morve académique tombant sur leur menton. Ils sourient tout le temps, ils rigolent parfois, surtout lorsque Gillot va égorger ses chats. Ils disent pas grand chose, c'est pas des intellects, c'est sûr, on pourra pas en faire des poètes. Hier, Germaine a appris par son docteur qu'elle attendait un 16e enfant et par sa voisine de palier qu'elle pouvait peut-être, mais en cachette, se faire aborter. Elle alla donc en parler à Gillot, qui eut cette réponse sensée. Laissez-les vivre, faut pas jouer avec la vie même dans ces micro-dimensions. C'est Jésus-Christ qui nous l'a dit un soir avant les élections. Laissez-les vivre, on leur fera un peu de place au cœur de notre société. Et comme il faut qu'on les reclasse, on saura bien les exploiter. On leur apprendra quelques gestes, juste de quoi faire un métier. Tiens par exemple les réflexes de militaires et policiers. Laissez-les vivre. Quand Germaine sera trop usée, faudra que ses filles prennent la relève. Comme papa les a bien rôdées, ça posera pas trop de problèmes. Elles fonderont d'autres familles pour donner un cœur à la France et par amour pour la patrie qui leur en est reconnaissante, la preuve. Si Germaine n'a plus de dents et les seins tout ballottants, elle peut devenir pourtant premier prix du président de la République française. De la République française.